d'amour et non pas de chagrin. Je voudrais dans tes bras redécouvrir le charme qui s'était opéré quand j'avais pris ta main. J'ai envie de t'offrir l'homme du premier jour, t'a fait rire avec ses calembours. J'ai envie de t'offrir les sourires et l'amour. Ne jamais les laisser faiblir par les détours. Je suis là, bien décidé à être moins fou que je ne suis, prétentieux et bête. Ne plus croire que le monde tourne autour de moi. Pensez qu'à toi. J'aimerais sur ta peau faire des arabesques.